Et quand j'étais jeune, bah, vous m'excuserez, mais moi, je mourrais la fille. Ouais. Ça m'intéressait pas du tout. Ça va commencer à m'intéresser que comme moi j'y étais, mais pas en Algérie, j'ai parti au Maroc et après l'Algérie.